Ouais. Antifiscal, tu pues l'argent roi. Quand je me suis réveillée, j'ai demandé très calmement à mes parents, ça veut dire quoi Spice Girls? Et mon père il m'a dit avec un i, Spice Girls, ça veut dire les filles épices. Moi j'étais là, épices. Genre du cumin. Bon, j'étais pas tout à fait convaincue par le nom, mais c'est pas grave, une de mes premières grandes histoires d'amour venait de commencer. Et puis surtout, quand on y pense, dans les Spice Girls, il y avait surtout Posh Spice, a.k.a. Victoria Beckham. Et 20 ans après, Victoria et David Beckham, ils sont toujours ensemble, sincèrement. Non mais c'est une des raisons pour laquelle moi, quand je me lève le matin, je crois à l'amour. Une chanteuse et un footballeur. Je dis, ils avaient tout contre eux. Piqué et Shakira, moi j'ai envie d'y croire, mais on en reparlera dans 14 ans. Les Beckham, ça fait 20 ans. 20 ans, ils ont 4 enfants, dont l'aîné s'appelle Brooklyn, supposément, parce que c'est là qu'ils l'ont conçu. Et c'est là que tu te dis, heureusement qu'il n'y a que les stars qui ont le droit de déconner avec les prénoms de leurs enfants. Sinon, dans toutes les écoles de France, t'aurais des gamins qui s'appellent Pierre et Vacances. Et sous ses allures de Grigou Ronchon, encore moins joyeuse qu'une Miss France qui est le soir de l'élection un furoncle sur le pif. Il est réactif, moderne, connecté. Mélenchon, c'est le Bolivar 2.0. Le soir de la Révolution, il torturera Pierre Gattaz en lui enfonçant des clés USB. Hier, 15 novembre 2017, 25 brumaires de l'an 225 selon lui. Mélenchon, furieux, a pris son clavier, l'a cassé avec la tête et allait en acheter un autre et a rédigé un post sur son blog. Il a un blog, une chaîne YouTube, une web TV. Et si vous n'avez pas internet, il vous envoie un pigeon voyageur qui lâche une fiente sur votre balcon si vous habitez le 16e. Bon, il m'arrivait 2-3 bricoles dans mes tentatives récentes de déplacement assisté. Notamment il y a quelques jours dans le métro, j'avais un jeune homme en face de moi, il a les cheveux propres et tout, mais je vois qu'il va pas bien. Et à un moment, voilà, il vomit l'équivalent d'un petit étang de liquide pourpre à 40 cm de mes tibias, projetant une partie de son bœuf stroganoff sur l'ourlet de mon pantalon. Et j'ai envie de dire à ce garçon, quid du vivre ensemble? Quid du vivre ensemble? J'ai lu tous les bouquins de Nadine de Rothschild, nulle part il y a marqué que pour entamer une camaraderie, il faut partager ses sucs gastriques sous les sujets d'un inconnu. Non. Le monde des leaders. Le monde des leaders, mais le monde des leaders, ensuite, ça se répercute sur son entourage, donc... Ça ruisselle ? Ouais, je pense. Moi, je pense que si tous les leaders qui sont aux entreprises, tous les managers sont heureux, je pense que ça... Et puis que ça répercute sur leur entourage, ça fait beaucoup de monde. Bien sûr, hein, bien évidemment, j'en parlais avec une caissière de chez Auchan, elle me disait, hein, le fait de savoir que... Plus le patron est heureux, plus les ouvriers le sont. La caissière, elle le sait, que la famille Mullier, elle pète dans son jacuzzi en Belgique, bon, bah ça la soulage, hein, la caissière, bien sûr, on le sait. Le pire dans cette anarchie, c'est qu'il paraît que c'est légal. Ils ont un nom pour ça, c'est optimisation fiscale. On apprend que parmi les filous, il y a même Julien Clerc. Il va pouvoir chanter ma préférence à moi, c'est le secret bancaire. Antifiscal, tu pues l'argent roi. C'est pourquoi moi j'ai décidé d'établir mon classement des personnalités de l'année. Bienvenue pour cette première cérémonie des Miradors. Jeu de mots, Guillaume. Impeccable. Et finalement, impossible de départager entre Baba et Bobo. la personnalité média de 2007, c'est vous. C'est vous, Charline. Ne vous vexez pas, Alex, mais l'atelier, ça reste Charline. Elle est drôle, elle est cultivée, et puis elle est surtout très belle, tout simplement. Pablo, les augmentations de salaire, c'est directement Laurence Bloch, la patronne de France Inter, en fait. Je vous disais, alors personne n'arrive à la cheville de Laurence Bloch, désolé Alex, mais elle est drôle, elle est cultivée et en plus elle a été très belle. N'ayez pas peur Alex, je vous vois venir. Mais parfois elle écoute. Pas d'inquiétude, non, elle écoute Ruquier sur RTL, tout le monde le sait. Quand j'étais au collège, toutes les filles aimaient Johnny Depp, car il était beau et sombre et rock, alors que moi j'avais juste des boutons. Je suintais, dès qu'on m'appuyait dessus, ça giclait, comme Strauss-Kahn me répartit sur le corps entier. Si Twitter avait existé en 87, on aurait dénoncé les pores de ma peau avec le hashtag balance tes pores. Elle va de nicotine ta mère, il y a un dealer. Je voudrais faire un petit rap pour tous mes fumeurs de gitane, les putois qui puent des doigts, les gogoles avec leur menthol. Oh, très Saint-Père, je ne sais pas si je dois. On s'en fout, c'est mousse. Allez, viens, j'ai de la coke dans la boîte à gants. On va s'éclater, c'est de la bonne, je l'ai acheté à Guillermo Ruiz. Mais je suis avec Daniel Morin, j'ai déjà beaucoup de chance. Mais qu'est-ce que tu crois avec lui, c'est un tocard. Oui, je sais, mais je suis avec lui pour qu'il me présente Nagui. Nagui, l'animateur au micro-pénis? Ah bon? Si, piccolo, piccolo, piccolissimo cazzo. Bon, bah ok, j'arrive. Allez, Daniel, sors en coune, hein, et comme on dit chez les petits zizi, ciao, ciao, ciao.